Bon, mais alors, ça va être... Bon, mais alors, ça va être une chanson un peu... Attendez, il faut que je mette mon stylo dans ma poche. Ok. Vas-y, je chante. Une chanson douce. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas compris? Amis, ce soir, buvons le même vin. Chantons le même refrain. Je vois dans le brun de tes yeux qu'il ne saura pas être heureux. Je vois que tu vois dans le mien que j'en ai bien besoin. Ami, dans la torpeur de ton vin, nous parlerons tant et si bien. Et tant pis si l'on est idiot, et tant pis si l'on est salaud, ce soir les femmes ne valent rien, et leurs amants encore moins. C'est toi ça. Ami, oublie donc ta chambre d'amis. Ce soir je dormirai dans ton lit. Et tant pis si l'on est pédé, nous avons besoin d'être aimés, et les femmes ont beau être belles, elles n'en sont pas moins cruelles. Amis, remercions la fatalité de nous permettre l'amitié. Si la vie n'était pas si dure, les baisers de meilleur augure, nous aurions tort sous ces cieux de parler la langue des dieux. Amis, ce soir, chantons le même chagrin, pleurons le même vin. Je vois dans le blanc de tes yeux qu'on finira gai fiévreux. Je vois que tu vois dans le mien qu'on ne vit pas pour rien. Merci. Voilà, donc cette fois c'est la fin, parce que je crois qu'il y en a d'autres qui vont passer après moi. Merci de votre attention, messieurs, dames. Et merci beaucoup au groupe d'Irréductibles qui était là pendant tout le temps. Merci beaucoup.